voilà, au pays du grand amour, nous voilà. Maintenant nous vivrons l'un par l'autre, toi et moi. Maintenant on le sait que l'on s'aimera longtemps, longtemps. C'est venu doucement en cachette comme violette au printemps. Ce que nous voulions faire seuls, nous le ferons tous les deux. Ce que nous n'aurions pas fait, nous l'essaierons tous les deux. Mais pour nous, l'Amérique, qu'on y aille un jour ou non, c'est pareil. Elle est là dans nos yeux, avec même l'Eldorado et ses soleils. Notre amour sera fort parce que nous y veillerons. Pour s'aimer longtemps, il faut faire attention. En amour, tu le sais, rien n'est jamais achevé, mon amour. De tendresse et de rire, nous bâtirons sans répit jour après jour. Nous voilà au pays du grand amour, nous voilà. Maintenant nous vivrons l'un par l'autre, tu verras. Maintenant on le sait que l'on s'aimera longtemps, longtemps. Prépare-toi à chanter et à pleurer aux eaux douces et au grand vent. Nous voilà au pays du grand amour, nous voilà. Nous voilà au pays du grand amour. Nous voilà.